8h57, François Morel, à vous. Auprès de son arbre, on vit heureux. Alors ce serait quand même dommage de supprimer une cinquantaine des tilleuls argentés de la place Aristide Briand dans la ville de Sète. Ce serait désastreux, surtout que ce sont des tilleuls qui ont été replantés en 2017 suite à l'arrachage des tilleuls malades. Les tilleuls ont grandi depuis 5 ans, ils ont prospéré. Si dans les 2 ans on les arrache, ils risquent de ne jamais atteindre l'âge de raison. C'est si jeune pour mourir, même pour un arbre. À quel âge les responsables politiques, ceux qui veulent supprimer les tilleuls qu'ils venaient de décider de planter, atteindront-ils eux-mêmes l'âge de raison ? Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur la place Aristide Briand de la ville de Sète ne sont pas si nécessaires, notamment aux amoureux, puisque ces bancs ne pourront plus accueillir pendant des années de travaux les amours débutants. Sans compter qu'ils sont également utiles, ces bancs, pour les impotents et les ventripotents, et les vieillards et tous ceux qui passent par hasard et qui ont quand même bien le droit de s'asseoir quand les amoureux ont vidé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrasser, leurs becs deviennent usés. Et puis, ils sont également profitables aux parents, ces bancs qui, en discutant, surveillent les enfants qui sont en train de courir et de jouer au ballon sur la place Aristide Briand de la ville de Sète, où les mélomanes, quelquefois, viennent écouter l'orchestre d'harmonie qui s'installe dans le kiosque à musique qui a été restauré par la municipalité et qui, au cours de l'année 2007, a donné lieu à un grand concert, renouant avec une tradition ancienne dont quelques vieux se souvenaient encore de l'émotion de leurs aïeuls quand ils évoquaient avec émotion cette fameuse journée inaugurale du 19 juin 1892 quand, sous le kiosque, l'harmonie municipale interpréta l'ouverture de Guillaume Tell du regretté Rossini. Il existe 3 parkings déjà dans le centre de Sète. N'est-ce pas suffisant pour accueillir les voitures des conducteurs qui ne peuvent vraiment pas faire autrement? De même que plus on construit de routes, plus on incite à rouler, plus on construit de places de parking en ville, plus on incite à venir en ville en voiture. Un parking supplémentaire à l'époque du réchauffement climatique et de la crise énergétique, est-ce bien raisonnable? Et si on faisait des villes pour accueillir des individus plutôt que des voitures individuelles? Et si une place comme la place Aristide Briand de Sète était faite pour accueillir les amoureux et les enfants et les parents et les lycéens et les vieillards et les passants et les passantes que l'on n'a pas su retenir? Et si une place avec ses tilleuls, son kiosque à musique, sa fontaine, ses magnolias, son acacia, ses bancs publics, devenait le symbole d'une harmonie municipale enfin retrouvée? Merci François Morel. France Inter.